Freddy Cooker est passé à même esprit rituel qu'Ignorino de défense femelle. Le dit mineur est là, j'enlève les fringues et les decks et fais un bang avec mon flingue. Ouvre la porte, retour vers le futur 2013, ta mort jusqu'à présent ma lutte. J'ai fait des chutes, je me suis battu, j'ai obtenu, je suis allé à la pêche me chercher de mes écorces. Il n'y a pas de pas entre Linux et nous. J'agite les réseaux, je suis socio et sociologue, mafia 2048. J'ai plus la peine, je suis en panne, je fais à la librairie me documenter. J'ai des mangas importés du Japon, je fais dans l'import et sport, je suis Dawemor, nouveau navigateur web. Je dépêche, j'envoie, je forme, je sonne et la flore réagit, s'agite, les six continents sont premiers pour me nourrir. On dit pas Aramera. On est repassé à l'euro par détermination. La Terminator, les francs, on joue double. Pôle emploi est vide, nos usines fonctionnent. On a le double RH, pas avec Pôle emploi. Travail à la semaine, optère, j'optère, j'altère. Je soulève le vent du temps. Petit biscuit ou petit téléphone atterri. Département 82, créateur japonais, vision obtérée. LBA original dans les kiosques, j'ai tant perdu de licence. Le bistrot et l'ascenseur fou, je soulève du passé. Circuit non imprimé, la Chine occupe avec sa magie. Je recule pour mieux rentrer les boîtes de nuit, vitesse limitée à 80. Trou de verre pour les fêtes, je roule à 110 sur l'autoroute et dans les bistrots à 100. La police opère rien à faire avec 90 minutes irréelles. La télé fait de tonner, je redonne des replays menu. Le code de la route refait pour les montards, nouvelle moto avec le feu les nuits. Casque F15, je roule avec les vélos électriques, pas d'eau sans UDF, gagné à la tombola. J'ai un gros canon en munitions à volonté, premier quart d'un militaire, je fais tout à l'inverse, toujours promis, j'opère.